plus important dans le commerce, c'est l'honnêteté. L'intégrité, le dur labeur. La famille. Ne jamais oublier d'où nous sommes venus. Merci, Charlie. Vous voyez, on est ce qu'on est dans ce monde. Et ça, c'est deux choses l'une. On est quelqu'un ou bien... on est personne. Moi j'ai pas compté sur les autres, ça fait des sommes pendant la crise. Y'a que des méchants sur tes côtes, c'est normal tu fais trop la street. Je vais pas te dire qu'on est les boss, mais je suis sûr de la mentale. Je fais la moula pour les gosses, pas pour des folles, c'est lamentable. Et je dis aux petits frères, y'a rien qui doit terrifier. Tout ce qu'il faut faire on fait, tout ce qu'il faut pas faire on sait. Y'a grave du monde à l'arrivée, y'a personne au départ. Je peux traumatiser, je peux faire aussi casser des bords. Je me suis causé du tort en écoutant les gens. Ils m'ont dit t'es mon frère, s'il faut on vise les jambes. Je les écoute plus, je finis mon taf, je suis fatigué. Que des coups de pute, j'envoie des pics mais pas ciblés. Ouais, viens voir. Viens voir, arrête. Je fais pas de bruit, viens. Je tiens de trop de trucs. J'étais dans l'anonymat, y'a personne qui m'a réanimé. Tous les mois change de climat, tous les jours j'suis pas d'humeur. Arrêtez de parler papier, faut tout faire pour la famille. Là j'fais du papier et j'mets de côté comme un kabyle. J'étais dans l'anonymat, y'a personne qui m'a réanimé. Tous les mois change de climat, tous les jours j'suis pas d'humeur. Arrêtez de parler papier, faut tout faire pour la famille. Moi j'fais du papier et j'mets de côté comme un kabyle. Mais tu vas t'assumer. Si t'as plus rien dans les poches, tu sais qui sont les hommes, les vrais qui font les sommes. Jamais abandonné, je reviens de plus en plus fort. Quand c'est fait, c'est mort, faut savoir admettre ses torts. Y'a rien de légalisé, ça m'appelle pour miser, tu sais. Y'a du genre à faire, fini la fête, pas là pour s'amuser. Pense pas à moi et sur ton cas, je vais pas m'éterniser. J'ai été trop gentil avec ces merdes, ils ont fait qu'abuser. Sur bitume, je suis capuché, organisé. Viens pas sympathiser, et pour le succès, jamais ça va sucer. Je regarde l'avocat sur le banc des accusés. J'étais dans l'anonymat, y'a personne qui m'a réanimé. Tous les mois, change de climat, tous les jours, je suis pas d'humeur. Arrêtez de parler papier, faut tout faire pour la famille. Là, je fais du papier.